Bonjour, je dois changer une pédale de mon vélo. Vous voulez quel modèle ? B. Quelles fleurs tu as plantées ? Des roses. Elles sont fleuries en ce moment et très belles. Et aujourd'hui, je vais faire d'autres plantations. C. Il fait beau. Nous allons sortir faire une promenade à cheval. Je peux monter le cheval noir ? D. Tu prends ton maillot de bain ? On va nager. D'accord. L'eau doit être bonne aujourd'hui. Regarde, il y a une piste de libre là-bas. On y va. Qui lance la première boule ? F. On peut aller voir la nouvelle pièce à l'Odéon. Non, c'est trop classique. Je préfère les drames plus modernes. G. En France, le jour de la fête de la musique, on peut jouer de la trompette dans la rue si on veut. C'est bien. C'est quand ?